Encore un peu de café? Non. Et toi? Parole. Quoi? Je passe. C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. M'aime quand même. Dodiez, combien de fois faudra-t-il te le répéter? Que tu m'aimes quand même. Non, dodiez, je te dis. Quand même. Quand même. Non! Mais fais ce que tu fais. Mais tu sais bien que je chante faux, alors ne fais pas ce que je fais, fais le do dièse. Moi, c'est facile à dire, comment c'est ça, do dièse? Allez, donne-moi le piano, tu vas voir. Oh non, pas de piano. Alors, chantons ensemble. Je te soutiendrai toujours un peu. C'est à trois temps. Une mesure pour rien. Une, deux, trois. C'est parce que... Alors, qu'est-ce que t'attends? J'attendais que tu dises je t'aime. Depuis que je sais que tu es une bonne amie, je voudrais t'entendre dire ça. Ouais, ne fais pas l'idiot, allez. Allez, reprenons. Une mesure pour rien. Une, deux, trois. C'est parce que je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Avant je t'aime, il y a un soupir. Faut soupirer avant de dire je t'aime, comme dans la vie, quoi. Ouais, oui, naturellement. Ma musique, c'est la vie. C'est parce que, hein, je t'aime. Bon, reprenons. C'est parce que hein, je t'aime. Que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour. Donc tu m'aimeras toujours. Oh, j'adore cette chanson. Ouais, stupide. Les chansons dont j'écris la musique ne sont pas stupides. Imbécile, fais-moi plaisir. Dis-moi le dernier couplet. Oh, je ne me le rappelle pas exactement, mais c'est à peu près ça. Non, ne chante pas, tu chantes pas, on te demande les paroles seulement. Ah, oh ben, attends, voilà. J'avais bien pensé à ne plus t'aimer. Je me disais, au moins comme ça, je serais tranquille. Mais j'y réfléchis, puisque tu ne m'aimes que pour mon amour, si je ne t'aime plus, tu ne m'aimeras plus, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, que veux-tu, je trouve ça épatant. Oui, moi, je trouve ça absurde. Et la preuve, c'est qu'on peut la chanter à l'envers. Comment à l'envers? Ben oui, c'est parce que tu m'aimes que je t'aime quand même. Je t'aime pour ton amour, donc je t'aimerai toujours. Oh, voilà bien une idée de femme. Tu n'as pas l'air contente ce soir, mon chou. Je suis d'une humeur massacrante. Pourquoi? Nous sommes là en famille, nous buvons notre café en chantant. C'est plutôt gentil, tu ne trouves pas? Non. Tu as mal aux dents? Mal aux dents? Oui, et hier, tu te plaignais de ta grosse molaire. Mais non. Alors c'est ton rhumatisme? Oh, écoute, si quelqu'un t'entendait, ma grosse molaire, mon rhumatisme. Oh, c'est poétique. Oh oui, moi, je trouve que tu as une façon charmante d'avoir mal. Oui, vraiment. Quand tu dis aïe, par exemple, c'est ravissant. Tu as remarqué? Tous tes gestes, d'ailleurs. N'est-ce pas? Tonnerre. Hein? Quoi? Ah, il dormait. Dès qu'on parle plus de sa musique, il s'endort, celui-là. Qu'est-ce que tu... N'est-ce pas que ta sœur est ravissante? C'est pour me demander ça que tu me réveilles. Ben oui. La prochaine fois que tu t'endormiras devant moi, je te réveillerai pour te demander, n'est-ce pas que tu es idiot? Ah, voilà la bonne. Tu crois? Ben voyons, qui veux-tu que ce soit? Déjà? Comment? Tu te plains que ta bonne ne mette pas assez longtemps pour faire les courses? Alors, passez-vous, mais vous, madame, mais est-ce que vous y avez été, madame? Quelle bavarde! Tu les entends? Ah, tu sais, tu vas enfin savoir ce que tu lui as dit d'aller chercher? Ah oui. Parce que c'est amusant, je voudrais être à ta place. On envoie chercher quelque chose, on oublie quoi, et subitement, la bonne la porte. C'est comme une loterie. Oui, c'est comme une loterie. Je vous assure, madame, que ce n'est pourtant pas ma faute. Qu'a-t-elle encore fait? Mais rien! Qu'en sais-tu? Mais j'en suis sûr. J'expliquais quelque chose à madame. Avez-vous rapporté ce que Monsieur Clotaire vous avait demandé? Quoi? Vous ne comprenez pas le français? Mais Monsieur Clotaire ne m'a rien demandé. Alors quoi, tu es fou? Mais ça doit être ça. Pourquoi êtes-vous sorti? Madame ne se souvient pas? Je lui ai demandé l'autorisation de m'absenter pour une affaire personnelle. Ah oui, en effet, je... Oui, je croyais que c'était clou-clou. Ah, ben je respire. Mais tu finiras par m'inquiéter à toujours me dire que je suis idiot. C'est bien, Diannette, vous pouvez vous retirer. C'est que je voudrais demander quelque chose à madame. Parlez, ma fille, parlez. Je disais à madame. Allez, viens faire un piquet, puisqu'elle veut parler à madame. Peut-être bien avoir à lui dire que je ne puisse pas entendre. Et je t'assure que tu es injuste avec cette petite. Bon, j'aimais mieux Louise, je regrette que Marceline l'ait renvoyée. Madame devrait essayer de téléphoner. Oh, à quoi bon? Il est parti maintenant, c'est sûr. Peut-être pas. Il y a encore un train pour Bordeaux cette nuit que le paquebot attend. D'ailleurs, on peut également passer par Marseille. Il est parti. Voyons, madame, il ne faut pas vous laisser aller. J'aurais attendu plus longtemps là-bas. Seulement, comme nous n'avions pas décidé de ce que nous dirions à monsieur, j'ai eu peur qu'il s'étonne de mon absence. Je m'en suis bien tirée, n'est-ce pas? Oui, oui, oui, merci. Vous trouverez votre petit supplément à la fin du mois. Oh, oh, je n'aime pas voir madame comme ça. Madame qui est si gaie, si vivante. Oh, j'ai du chagrin, Augustine. J'ai du chagrin. Madame me confond avec son ancienne femme de chambre. Mais dans l'état où est madame? Oh, vous avez raison, je vais tout de même téléphoner. Allô? Allô, mademoiselle? Voulez-vous me donner Palaiseau 1419? Vent libre! Oh, il est encore là, j'y vais, j'y vais. Dites-moi, prévenez monsieur Clotaire, il expliquera à monsieur, enfin, il se débrouillera. D'ailleurs, je ne serai pas longtemps. Et puis, redemandez le numéro, vite, hein. Dites que j'arrive, qu'il ne parte pas avant de m'avoir vu. Allô, allô, mademoiselle? Voulez-vous être assez gentille pour me rappeler quand Palaiseau 1419 sera libre? Merci beaucoup. C'est très important. Monsieur Clotaire, madame voudrait vous dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Madame est partie. Pour tout le bon? Non, madame est sortie. Ah, mais faites attention à ce que vous dites. Mais coupez la respiration. Oh, si vous croyez que le service de madame est facile... Ah, ne vous fâchez pas. Elle est là-bas? Naturellement. Elle a bien recommandé de téléphoner pour dire qu'on l'attende. Ce n'était pas libre, mais la demoiselle doit nous sonner. Ah bon? Et quelle est votre impression? Il se cache, il ne veut plus la revoir. Alors, tout va s'arranger. Je ne crois pas. Le chauffeur me l'a bien dit l'autre jour. Madame était trop dure avec Monsieur Gaston. Mais quel besoin avait-elle d'aller faire souffrir celui-là? Elle a un mari charmant. Qu'elle le trompe si elle veut, mais au moins qu'elle rende heureux ceux avec qui elle le trompe. Je suis bien de votre avis. Alors maintenant, elle va souffrir. C'est gai. D'autant plus que madame a un caractère très difficile quand elle souffre. Tiens, c'est 15 mauvais jours à passer. 15 jours? Peut-être 3 semaines. Eh ben mon vieux, je t'attends. Voilà, voilà. Où est Marceline? Marceline! Tu ne comprends pas ce que je te dis? Si, mon vieux, c'est que... n'est-ce pas, justement? Quoi, justement? Elle est sortie? Oui, n'est-ce pas? Voilà, elle est sortie. Alors, tu ne peux pas dire elle est sortie? Ah, ceci, évidemment, je peux dire elle est sortie. Et où est-elle allée? Je n'en sais rien. Tu le lui demanderas. Elle a fait claquer la porte en partant. Elle paraissait furieuse. Et vous ne savez pas non plus où madame est allée? Non, monsieur. Je n'aime pas cette bonne, on l'a tout le temps dans les jambes. Quand on lui pose une question, elle sort. Elle est obligée de faire le café pendant qu'elle règle ses affaires personnelles. Ah, nous finissons notre piquet. Oh non, je suis énervé. Je vais attendre Marceline à côté. La fenêtre donne sur la rue. Bon, alors moi, je m'en vais aller travailler quelqu'un sûr. C'est ça. Donne-moi la clé, voyons. Quelle clé? La clé du piano. Oh, tu vas encore faire du bruit? Tu n'es pas drôle. Mais tu me jures que tu ne chercheras pas les papillons. Non, je te le jure, là. Alors tant pis, que veux-tu, amuse-toi bien. Allô? Allô, oui, j'écoute. Mais que voulez-vous que je fasse du 14-19? Mais non, mademoiselle, je ne l'ai pas demandé. Il y a erreur, mademoiselle. Allô, allô? Allô, mademoiselle? C'est pour le Palaiseau 14-19. Donnez-le-moi. Non, donnez-le-moi, mademoiselle. Non, c'est pas une blague. Non, je vous assure que c'est même très important. Oui, j'attends. Ah, zut, pas libre. C'est fou ce qu'on lui téléphone à ce type-là. Allô, allô? Allô, mademoiselle, voulez-vous me rappeler quand il sera libre? Non, cela ne se reproduira pas. Je ferai très attention. Merci. Allô? Quoi, encore ce 14-19? Allez-vous me ficher la paix avec ce 14-19? Je vous dis que non. Personne n'a demandé le 14-19 ici. Non, mais dis donc, que crois-tu qu'elles sont assommantes avec leurs erreurs? Ah, oui. Ah, je n'ose plus le lui demander maintenant. Elle va me traîner dans la boue. Ah, tant pis, pour ma sœur. Allô, allô? Allô, allô? Je vais lui demander naturellement comme si rien ne s'était passé. Allô, Palaiseau 1419, s'il vous plaît. Ça y est, elle m'y traîne. Non, je vous assure que vous me prenez absolument. Non, vous vous trompez sur mon compte de la façon la plus pénible. Non, il est absolument nécessaire que vous me donniez ce 1419. Allô, donnez-moi ce Palaiseau 14... Comment, c'est toi qui demandais le 1419? Oui, voilà, tu vois. Tu ne pouvais pas me le dire tout à l'heure au lieu de me regarder avec ton air abruti. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne peux pas la voir, alors j'y renonce. Ah, quelle gourde tu fais ! Non, non, mais... Voilà, j'y renonce, je te dis. Mais pas du tout, mais je vais te le demander. Mais non, laisse-moi. Je te dis que je vais te le demander. Mais je n'en veux plus. Ah, c'est pas très chic de me faire des cacheteries. Mais je ne te fais pas de cacheteries. C'est mon ami, là. Es-tu content ? 14-19 ? Oui, 14-19, c'est mon ami. De la pauvre petite ? Justement. Allô, allô ? Allô ? Et lui, il aura tout de suite, on ne l'engueulera même pas. Dis donc, si on me demande de la part de qui ? Tant pis, dis la vérité, dis de la part de Clo-Clo. Bon. Allô, allô ? On ne peut pas la voir, je te dis, laisse donc, je lui téléphone ce soir. Tu crois ? Mais voyons, naturellement. Ah non, ça y est ! Allô, Palaiseau 14-19, s'il vous plaît. Oh, oui, excusez-nous, mademoiselle, tout à l'heure, mon beau-frère qui est idiot et qui ne savait pas que je le demandais, vous l'a refusé. Mais maintenant, je voudrais bien la voir, merci. Heureusement, il ne sera pas libre, il n'est jamais libre, alors je suis bien tranquille. Palaiseau 14-19 ? C'est Palaiseau 14-19 de la part de Clo-Clo. Alors, ça... Hein? Oh, ça, c'est drôle. Non, non, c'est vraiment drôle. Ah oui. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, on m'a dit, vous direz à Clo-Clo que j'en ai plein le dos de lui et de sa famille et que dans un quart d'heure, je serai parti pour le Brésil. Ah. Et avec quelle voix elle m'a dit ça, ton ami? J'ai cru que c'était un garde municipal. Et c'est tout ce qu'on t'a dit? Oui. Elle est bien peur. Ça n'a pas l'air de te faire beaucoup de peine. Bon, une de perdue, 10 de retrouvée. On dit ça. Ben, je peux t'assurer que je n'aurai pas de mal à remplacer celle-ci, alors. Autant mieux. Une chose me déplaît. N'en faisons pas un drame, mais enfin, pourquoi as-tu présenté cette petite à ta sœur ? Moi ? Mais jamais, oh, là. Oh, comment ? Elle a dit, j'en ai plein le dos de Clo-Clo et de sa famille. Comme Marceline est ta seule famille. Ah oui, oui, oui, tu as raison. Oui, une fois, par hasard. Je passe par la cuisine. Je ne veux pas la voir. Bonsoir, mon petit. D'où viens-tu ? Tu es fâché ? C'est pas contre moi. Parle. Mais comme tu es pâle, tu n'es pas malade. Veux-tu me laisser seule un moment, s'il te plaît ? Mais pas du tout. Tu es malade ou tu as des chagrins. Je ne veux pas te laisser. C'est Clotaire, n'est-ce pas ? Il n'est vraiment pas gentil. Te mettre dans des états pareils. Nous sommes pourtant assez chic avec lui. Alors, demain, je lui dirai ce que je pense. Tu t'es disputé avec ton frère, c'est cela, n'est-ce pas ? Non. Mais il me l'a dit. Alors, s'il te l'a dit. Il t'adore, tu le sais bien. Il m'adore. Allons, que t'a-t-il dit ? C'est peut-être pas si grave. Tu ne veux pas te confier ? Veux-tu me laisser seule un moment, mon petit Jeff ? Je voudrais être seule. Je ne veux que cela. Je n'ai besoin que de cela. Bon, bon, ne t'énerve pas, puisque tu y tiens absolument. Je sors. Je ne le verrai plus, il est parti. Je ne le verrai plus. Veux-tu une tisane ? Un cachet ? Non, je sais bien que je t'énerve, mais te sentir là avec du chagrin et ne pas tenter de te consoler, tu sais que je fais toutes tes volontés, mais ne me demande pas de sortir. Lily, qu'est-ce que tu as ? Lily, ma Lily, tu pleures. Tu pleures, Lily, regarde-moi. Mais non. Si, tu pleures, je le vois bien, mais qu'y a-t-il ? Je ne comprends pas, qu'y a-t-il ? Rien, Jeff, je suis... très nerveuse, alors la moindre des choses... Mais quelle chose ? Tu ne peux pas comprendre, c'est sans intérêt pour toi. Sans intérêt ? Ce n'est pas grave, je te dis. Ce n'est pas grave, laisse-moi. Bon, mais alors, vous allez sourire à votre vieux Jeff. Allez, kili kili, c'est fini, kili kili, you you you. Un petit sourire, vite, vous ne voulez pas ? Si. D'ailleurs, j'ai une bonne histoire pour Lily. Une histoire qui va la dérider tout de suite. Eh bien, raconte. Puis tu me laisseras seule, n'est-ce pas ? Tu sais, je suis raisonnable, tu vois bien. Ben voilà. 5 minutes après ton départ, j'entre ici et je trouve Clo-Clo suant et hurlant pour obtenir Palaiseau 14-19. Palaiseau 14-19 ? Oui, c'est le numéro de sa bonne amie. Comme il n'y parvenait pas, je m'offre à le demander à sa place. Alors une espèce de voix d'homme me répond. Il était là ? Que dis-tu ? Ah oui, oui, elle était là. Toi aussi, tu as remarqué qu'elle a une voix d'homme. Et sais-tu ce qu'elle m'a dit ? Vous direz à Clo-Clo que j'en ai plein le dos de lui et de sa famille et que dans un quart d'heure, je serai parti pour le Brésil. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'on peut bien te faire l'opinion de cette femme-là, voyons, mon jeu, tu vas pas te faire du chagrin pour si peu de choses. C'est l'humiliation, je te comprends, mais puisqu'elle part, puisque tu ne la reverras plus jamais. Jamais. Oh, alors il faudrait vraiment un hasard bien extraordinaire. Je ne sais que dire, chaque chose dont je te parle ne fait qu'augmenter ta peine. Tu as raison, je devrais te laisser seule. Oh non, chef, non. Si, si, je vais m'en aller. Oh, j'ai du chagrin, chef, j'ai du chagrin. Mon pauvre chou. Chef, mon vieux chef, j'ai mal. Comment veux-tu que je te console, mon pauvre petit? Je ne sais pas ce que tu as. Je croyais te raconter une histoire drôle et voilà que tu pleures parce qu'une méchante pimbèche parle pour le Brésil. Non, ne me dis plus rien, chef, ne me dis plus rien. Comme tu es nerveuse, veux-tu que j'appelle un médecin? Mais non, les médecins ne peuvent rien pour moi. Mais qu'y a-t-il? Je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Je t'assure qu'il n'est pas naturel que tu prennes tellement à cœur toutes ces sottises. Tu dois être plus malade que tu ne crois. Quelle heure est-il, chef? 10h05. 10h05? J'avance peut-être de quelques minutes. Oh, j'ai eu tant de te dire ça. J'ai tant de répondre à tes questions, même pour te dire l'heure, je te fais du mal chaque fois. J'aurais dû te dire que je retardais. Je ne sais pas ce que j'aurais dû te dire. Mon vieux Jeff. Oui, ton vieux Jeff qui voudrait t'en faire quelque chose pour toi. Hélas. Je suis ton ami, tu le sais bien, ton vieux copain. C'est vrai. Personne ne te comprend mieux que moi. Souvent, tu l'as remarqué, nous commençons la même phrase en même temps. Nous sommes tellement amis que j'ai renoncé à tous mes anciens camarades. Je t'ai raconté toutes mes histoires, je te confie toutes mes affaires, et nous nous amusons tellement ensemble que ça va m'en pas chic de me cacher tes ennuis. Je t'assure que si j'en avais, moi, j'hésiterais pas. Allez, raconte. Tu connais Gaston? Gaston Lancelot. Ah oui, c'est le petit blond qui t'a fait danser l'autre soir. Oui. Eh bien, non, qu'est-ce que je fais? Je suis folle. Alors, voyons, continue, tu avais commencé. Non. Eh bien, lance-le. Non, rien, je t'ai rien dit, je peux rien te dire, non. Raconte, personne ne peut mieux te comprendre que moi. Non, n'insiste pas. Je le vois parce que ce Lancelot peut avoir affaire avec toi, tu le connais à peine. Mais oui, mais aussi, c'est pas avec moi. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, puisque tu tiens tellement absolument, enfin, à le savoir, eh bien, Lancelot a quitté une de mes amies et ce soir, elle voulait se tuer. Ah, c'est ça. C'est pour aller chez elle que tu es sortie? Oui. Mais enfin, n'en parlons plus, veux-tu? Qui est-ce? Non, je ne peux pas te le dire. C'est une femme mariée. Oh, je parie que c'est ce pauvre gars, non. Mais non. Oh, tant mieux. Elle veut se tuer? Oui. Penses-tu? Si tu savais. Oh, ce qu'elle l'aimait, c'était toute sa vie, cet homme. Lui parti. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh là là. Pourquoi ricanes-tu? Car je ne ricane pas, pauvre chou. Tu as vu ton amie désolée, elle t'a dit qu'elle voulait mourir avec ton bon corps, tu l'as déjà cru mort. Mais écoute... Écoute, je ne veux pas manquer de tact et te rappeler une chose, enfin, qui peut-être... Pardonne-moi, mais... Te rappelles-tu le chagrin que tu as eu quand Richard t'a quitté? Toi aussi, tu étais désespéré. Toi aussi, tu as voulu mourir. Et maintenant, te souviens-tu encore de lui? Je m'étonne que tu n'aies pas pensé à citer ton exemple à ton ami. C'est vrai. Tu as pourtant terriblement souffert à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'empêche d'être heureuse? Non. Vois-tu, les femmes devraient compter avec leur inconstance. Ah oui. Oui, d'ailleurs, je ne vois pas le rapport qui existe entre Lancelot et la mine Clo-Clo. Ah non, mais aucun, naturellement. Enfin, tu sais, tout m'exaspère aujourd'hui, alors j'ai très mal pris la réponse de cette petite, mais enfin, c'est fini. Non, c'est fini, je vais beaucoup mieux. Je suis bien content. C'est drôle ce que tu m'as dit à propos de Richard. Tu ne m'en veux pas de te rappeler ces mauvaises minutes? Qu'est-ce qu'il est devenu, Richard? Je ne sais pas, on m'a dit qu'il était parti pour le Brésil tout de suite après notre mariage. Pour le Brésil, lui aussi? Oui, lui aussi, comme l'ami de Clo-Clo. C'est un drôle de type. Hein? J'ai parfois l'impression de ne pas te connaître du tout aujourd'hui, tiens. Aujourd'hui? Je n'ai pas l'air embarrassé, oui. Aujourd'hui. Ah? Tu m'as dit des choses extraordinaires. Moi? Eh oui, toi. Vraiment? Ah, extraordinaire. Regarde-moi. Non, c'est pas ton air de chien battu que je veux. Regarde-moi avec l'air que tu devrais avoir après les choses extraordinaires que tu as dites. Je n'ai pas dit de choses extraordinaires. Oh, si. Comment? Oh, allez, ne joue pas au plus fin avec moi. J'ai compris l'allusion à Richard. C'était très fort. J'ai compris aussi... Comme l'ami de Clo-Clo. Qu'as-tu compris? Il n'y avait rien à comprendre. Ah. Tant pis. Ah, tu as l'air déçu. Non, je ne te comprends pas. Tu es tellement maladroit. Et tu es un type épatant. Et tu es un imbécile. Je suis un type épatant qui t'aime comme un imbécile. Et toi, tu m'aimes? Je suis assez bête pour ça. Merci. Mais qu'as-tu bien pu trouver d'extraordinaire dans « Comme l'ami de Clo-Clo » Richard était parti pour le Brésil.